Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. À la base, il est pauvre. Mais que ferait-il pour encaisser les lots? Rien de correct. Il emprunte les gauves, les peuses, ça de ses incoups. Bluff la vie en rose, le but c'est tirer son coup. C'est sur le coup ça que tout se passe. Comme son clic-clac a vu des culs de toute classe. Mais ce soir-là, le type a pris un coup de casque. Mais sa beauté n'est qu'un coup de crasse. Bref, prêt à délaisser le monde pour elle. Il se dit prêt à ne plus chasser les bandes femelles. Il jette ses Armani, ses bosses pour une djellaba. Fini les sahbi, bosse pour assumer madame. Mais ses vieux démons le poursuivent. Pour de vieilles tasses, devient très impulsif. Sous la pression, frappe comme l'aurait fait Tyson au Madison, et du placard il téléphone. Pour lui dire qu'il aime, mais c'est pour de faux. À vrai dire, il n'aime que le goût de sa peau. Il a fui à l'appel de belles infos. Mais sa vie sera son plus grand défaut. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand. J'aurais dû rester chez WAM avec ma femme et mes mômes. J'aurais jamais dû faire croire à cet aspect que je suis love. Je voulais juste un soir par simple pulsion. Mais ce corps de rêve n'était pas qu'une illusion. Plusieurs jours passent, elle s'attache, me dit que je l'ai changé. Merde, ça sent le danger. V'là comment casser 10 ans de mariage. Parce que chez WAM, ma femme n'a rien demandé. Hypnotisée comme si j'avais teasé dans ma bêtise. Je crois bien que je la kiffe. J'ai honte et commence à s'ouvrir face à mes enfants quand il me sourit. Et elle qui me dit qu'elle veut se poser sans savoir qui je suis, qu'elle a des projets. Et je lui dis que je l'aime et là je crois que c'est pour de vrai. Mais le souci c'est que je vais perdre toute ma famille. J'ai suivi mon âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. Depuis qu'elle a 16 piges, les mecs, elle les collectionne. Attirée par ce qui brille, elle séduit les beaux comme les chums. Ceux qui l'ont vu dans la rue l'ont tous tes mains. Si t'as du bif, pas besoin de lui dire oh ma belle, ce qu'elles sont douces tes mains. Yeah, tous ses ex te le diront. Après elle, y'a pas plus tyran. Quand madame fait son caprice, impossible de lui dire non. Son amour est fictif, elle prend les hommes pour des victimes. Elle se vante auprès de ses copines de ce qu'elle leur soutire pour son lèche-vitrine. Elle leur dit qu'elle les aime, mais c'est pour de faux. Cette fille dévore les hommes jusqu'aux os. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. Je suis détruit tout seul, détruit pourtant tout seul. J'avais tout pour moi. Et j'ai vu mon plus grand défaut. Plus j'ai grand défaut. Vu le mal que j'ai fait. Mal que je me suis détruit tout seul, détruit pourtant tout seul. J'avais tout pour moi. J'avais j'ai tout vu pour moi. Mon